L'ambassadeur coréen Kim Myung-si a présenté le 24 janvier ses lettres de créance au président du Congo démocratique, Joseph Kabila Kabange. Il a transmis respectueusement les salutations du dirigeant suprême Kim Jong-un. Il a transmis également les salutations de Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême. Le président du Congo démocratique en a exprimé sa gratitude et a prié de transmettre ses salutations cordiales au dirigeant suprême. Il a souligné son profond intérêt au développement des relations bilatérales.